madame bonjour, monsieur. Je dis assez un bonjour. M'en vient demander permission pour faire piazza de sortir. Nous connaissons depuis longtemps. C'est pour ça m'en vient demander la permission pour m'en faire ça faire Marilyn sortir. Depuis longtemps, nous t'aimons.